France Musique. The next stop is 42nd Street. Come here, Vinny. Laurent Vallière, 42e rue. Bonjour à tous. La comédie musicale au cinéma reviendrait-elle à la mode? Mercredi, La La Land de Damien Chazelle sort encensé par la presse et auréolé du Golden Globe du meilleur film de l'année. Pour notre part, nous adorons et tout à l'heure, nous vous ferons découvrir ce film, ses références, en compagnie de son réalisateur Damien Chazelle. On vous offrira même quelques places pour aller y assister. Mais pour débuter, restons dans l'actualité avec l'investiture vendredi du 45e président américain Donald Trump. Longtemps, les candidats américains à l'élection présidentielle ont puisé dans les chansons de comédie musicale leurs hymnes. Ce matin, nous vous proposons un concert inédit. Frank Vincent, Ananda Cetanen reprennent les grands airs de comédie musicale qui ont émaillé l'histoire des campagnes électorales, à commencer par ce standard choisi par Franklin Roosevelt en 1932. So long, sad times, go long, bad times, we all read of you at last. Howdy, gay times, cloudy, gray times, you are now a thing of the past. Happy days are here again. The skies above are clear again. So let's sing a song of cheer again. Happy days are here again. All together, shout it now. There's no one who can doubt it now. So let's sing a song about it now. Happy days are here again. Your cares and troubles are gone. There'll be no more from now on, from now on. Happy days are here again. Let's sing a song of cheer again. The skies above are clear again. Les beaux jours sont de retour, Happy Days Are Here Again, extrait de la comédie musicale Chasing Rainbows, musique de Milton Ager. C'était Ananda Cetanen en live au studio 104 de Radio France, accompagné par Thierry Boulanger, Benoît Dunoyer de Ségonzac et Thierry Chauvin. Thierry Chauvet, car ce matin, eh bien, la 42e rue explore l'histoire des campagnes présidentielles américaines en musique. C'est à l'occasion d'un concert qui a été donné à la Maison de la Radio en novembre dernier. C'était la nuit américaine, la nuit de la soirée électorale américaine organisée par France Musique et sa cousine France Info. Voici deux chansons de campagne, cette fois l'une pour un démocrate et l'autre pour un républicain. Le républicain, c'est le général Eisenhower en 1950. Il faut dire qu'il n'avait pas vraiment envie de se présenter, Eisenhower. Et l'histoire raconte que c'est à cause d'une chanson à succès, glissé quelques mois plus tôt dans une comédie musicale à Broadway par l'un de ses plus grands supporters, le compositeur Irving Berlin, qu'il s'est résigné à se présenter. Dans une scène de ce spectacle, des députés se disputaient pour savoir quel serait le meilleur candidat aux élections et se mettaient à chanter l'éloge de Ike Eisenhower dans un air intitulé « We like Ike ». Eh bien, le slogan de la campagne d'Eisenhower deviendra « I like Ike ». Et pour débuter, une chanson de campagne pour un démocrate, c'est Frank Sinatra, en 1960, qui soutient la campagne de John Kennedy avec cette chanson « High Hopes with Jack ». Franck Vincent, Ananda Setanen. Voting for Jack, 'cause he's got what olderists lack. Everyone wants to back Jack. Jack is on the right track, 'cause he's got high hopes. He's got high hopes. 1960's the year for his high hopes. Come on and vote for Kennedy, vote for Kennedy, and we'll come out on top. Oops, there goes the opposition cur. Oops, there goes the opposition cur. Oops, there goes the opposition cur. Plop. K-E-double-N-E-D-Y, Jack's the nation's favorite guy. Everyone wants to back Jack. Jack is on the right track, 'cause he's got high hopes. He's got high hopes. 1960's the year for his high hopes. Come on and vote for Kennedy, vote for Kennedy. Keep America strong. Kennedy just keeps rolling. Kennedy just keeps rolling. Kennedy, he just keeps rolling along. Vote for Kennedy. Ike for president, Ike for president, Ike for president, Ike for president. You like Ike, I like Ike, everybody likes Ike for president. Bring out the banners, beat the drums, we'll take Ike to Washington. We don't want John or Dean or Harry, let's do that big jump run. Let's get in step with the guy that's up, get in step with Ike. You like Ike, I like Ike, everybody likes Ike for president. Bring out the banners, beat the drums, take Ike to Washington. We got to get where we are going, travel day and night. Let Adelaide go the other way, we'll all go with Ike. You like president, I like president, everybody likes Ike for president. Bring out the banners, beat the drums, we'll take Ike to Washington. We'll take Ike to Washington. Ike for president. Now Ike is the time for all Ike good Americans to come Ike to the head of their country. Ike for president, Ike for president. Vote for Eisenhower. Concert inédit ce matin sur la 42e rue de France Musique, quand les comédies musicales chantent et parlent des élections américaines. Et parfois, elles en parlent de façon moqueuse. Prenez George Gershwin. À peine 3 mois, en 1929, après le krach boursier, en pleine dépression économique, le compositeur s'amuse à composer des comédies musicales qui se moquent de la politique. Alors Donald Trump a beaucoup parlé au cours de sa campagne de protectionnisme. À l'époque, George Gershwin, dans Strike Up the Band, met en scène un fabricant de chocolat qui convainc les députés américains de voter la guerre contre la Suisse pour supprimer la concurrence des chocolats helvétiques. Et dans cette comédie musicale loufoque, un colonel se met à rêver à haute voix avec son ami qu'il devient président des États-Unis. If I became the president. I made you the ruler of this great democracy. Then I'd make you first lady, which is reciprocity. Imagine how delightful life would be when we're on top. Just think, no matter where we'd go, that'd make the traffic stop. We'd beat King Solomon in all his glory. Oh, everything would be just hunky-dory. If I became the president, and I were the president's wife, we'd shake the head of everyone we'd see. We could receive ambassadors, the kind the upper class adores, and have the whole Supreme Court down for tea. I'd talk on trade conditions, I'll open expositions, and proudly march behind the drum and fife. Oh, it thrills me just to tell of it. We both would be on that of it if I became the president, and I were the president's wife. I tell them that I must try up the samples that they print. Would you cut down your drinking when you're with the ship of state? I'd cut down on the water and I'd take my whisker straight. You mustn't chase around when you're the Brexy. It's not my fault if women think I'm sexy. If I became the president, and I were the president's wife, you'll flood the Senate with your oratory. I'd make each politician prohibit prohibition. 100 million drinkers would be free. I'd grow a beard, I'm thinking. You'd be as great as Lincoln, and Mr. Hearst will surely print your life. But I never go so far afield, I style a polka garafil. If I became the president, and I were the president's wife. Bolsheviki. There'd be no braver man in all the strife. But I won't become your pappy till you get me in the Capitol, and I become the president, and I am the president's wife. If I become the president, musique George Gershwin, parole Ira Gershwin. Les campagnes électorales américaines ont toujours été marquées, identifiées par les hymnes de leurs candidats, souvent puisés dans leur répertoire populaire. Eh bien, voici deux hymnes au rythme bien distinct. On terminera par The Battle Cry of Freedom, chanson on ne peut plus patriotique qu'utilise Abraham Lincoln en 1861 pour sa campagne présidentielle. Et pour débuter, une chanson pour la campagne du démocrate Harry Truman. On est bien plus tard, 1949. Pour la petite histoire, elle a été composée bien plus tôt, 30 ans plus tôt, par le premier compositeur noir à créer une comédie musicale à Broadway, Hubby Blake. Faut dire que les paroles de cette chanson étaient juste idéales pour Harry Truman. Ça s'appelait « I'm just wild about Harry ». Je suis tout simplement fou de Harry. C'est devenu ensuite un standard de jazz. Ananda Settanen, Franck Vincent, accompagné par Thierry Boulanger, Benoît Dunoyer de Ségonzac et Thierry Chauvet. There's just one fellow for me in this world. Harry's his name, that's what I claim. For every fellow, there must be a girl. I've found my mate by kindness of fate. I'm just wild about Harry, and Harry's wild about me. The heavenly kisses of his blisses fills me with ecstasy. He's sweet just like chocolate candy, and just like honey from a bee. Oh, I'm just wild about Harry, and he's just wild about, cannot do without. He's just wild about me. Samuel is great, Irv is a joy, Mary is wonderful, and Robert a boy. Jay is terrific, Philip supreme, Danny's a most, and Frank is a dream. I'm just wild about Harry, and Harry's wild about me. The fate's decreed it, we conceded it, Harry made history. FDR at his New Deal, and Harry will follow through. The country's wild about Harry, he is just wild about, cannot do without all the country and you. Rally round the flag, boys, we're rally once again, shouting the battle cry of freedom. And we're rally from the hillside, we'll get it from the plain, shouting the battle cry of freedom. For Lincoln and Johnson, hurrah, boys, hurrah! Down with the rebellion and on with the war. While we rally round the coast, boys, we're rally in our might, singing the holy cause of free men. We are springing to the call for 300,000 more, shouting the battle cry of freedom. And we'll fill our vacant ranks of our brothers gone before, shouting the battle cry of freedom. For Lincoln and Johnson, hurrah, boys, hurrah! Down with the rebellion and on with the roar. Why, we're ready around the coast, boys, we're ready in our might, singing the holy cause of free men. We will welcome to our number the loyal, true, and brave, shouting the battle cry of freedom. And although he may be poor, he shall never be a slave, shouting the battle cry of freedom. For Lincoln and Johnson, hurrah, boys, hurrah! Springing to the call from the east and from the west, shouting the battle cry of freedom. And we'll hurl the rebel crew from the land we love the best, shouting the battle cry of freedom. For Lincoln and Johnson, hurrah, boys, hurrah! Down with the rebellion and on with the war. While we're ready round the coast, boys, we're ready in our might, singing the holy cause of free men. For Lincoln and Johnson, hurrah, boys, hurrah! Down with the rebellion and on with the war. Why, we rally round the coast, boys, we rally in our might, singing the holy cause of free. Singing the holy cause of freedom. Deux voix magnifiques et un parfait trio de jazz pour ces deux chansons Wide About Harry et Battle Cry of Freedom. C'était Ananda Setanen, Franck Vincent, accompagné par Thierry Boulanger, directeur musical, Benoît Dunoyer de Ségonzac et Thierry Chauvet. Un concert enregistré lors de la nuit américaine, c'était à la Maison de la Radio, le soir des élections américaines, le 8 novembre dernier, au cours d'une soirée débat animée par Thomas Negarov de France Info, organisée avec la direction de la musique de Radio France et France Musique. Vous pourrez retrouver les vidéos de ce concert sur la page de 42e rue sur francemusique.fr. Alors, l'investiture de Donald Trump, c'était vendredi. On sait qu'hier, des millions de femmes dotées d'un chapeau rose, le fameux Pussy Hat, ont marché contre le nouveau président. C'était à Washington, à New York, à Los Angeles. Mais dès vendredi, à Broadway, plusieurs artistes ont organisé aussi un concert. C'était au Town Hall, à New York, et on retrouvait notamment parmi ceux qui voulaient, être présents en ce jour d'investiture et montrer, leur vigilance. Il y avait notamment Vaillante sur scène, Chita Rivera, 83 ans notamment, qui avait participé à la création de West Side Story et reprenait avec d'autres artistes au cours de cette grande soirée qui durait à peu près 2 heures, un titre éloquent de West Side Story. I'll hate the island, Manhattan. I know you do! Smoke on your pipe and put that in. Okay, buy me in America. Everything free in America. What a small fee in America. Oh! I like the city of San Juan. I know a boat you can get on. Sorry. Hundreds of towers in full bloom. Hundreds of people in each room. Automobile in America. Chromium steel in America. Why a small to keep a clean. I like the shores of America, comfortable shores in America, not from the dirt in America, but what floors in America. Old dance great. Chita Rivera en concert vendredi au Town Hall de New York. C'était au cours d'une soirée et d'un concert for America, un concert de vigilance face au nouveau président Donald Trump. Un concert que vous pouvez regarder actuellement sur le web. Laurent Vallière, 42e rue, France Musique. Et maintenant, place à l'événement de la semaine en matière de comédie musicale. La sortie mercredi d'un petit bijou de film réalisé par un réalisateur Wonder Boy, franco-américain de 31 ans. Inspiré autant par Jacques Demy que par Vincente Minnelli, Damien Chazelle, le titre du film « La La Land ». Thank you. la musique très jazzy de La La Land, le film de Damien Chazelle qui sort mercredi. Une musique composée par Justin Hurwitz. La La Land, ça se déroule à Los Angeles, dans des couleurs que ne renierait pas Jacques Demy. On suit deux personnages, un artiste jazz, un pianiste de jazz qui rêve de vivre de son métier et une jeune barman qui rêve de devenir actrice. Le film s'ouvre dans un embouteillage sur une de ces fulgurantes autoroutes qui traversent Los Angeles au milieu d'un concert de klaxons. Soudain, les conducteurs sortent de leur voiture en chantant puis en dansant sur le toit. Le morceau s'intitule « Another Day of Sun ». Another Day of Sun, le numéro d'ouverture du film La La Land. On aime tellement ce film qu'on veut vous en faire profiter. J'ai 5 invitations à votre disposition pour les recevoir cette semaine. Il suffit de nous écrire en allant sur la page de 42e rue. Vous allez évidemment sur francemusique.fr, la page 42e rue, et vous nous envoyez un message en cliquant sur l'onglet nous contacter. Vous indiquez bien votre adresse pour qu'on puisse vous l'envoyer, cette invitation. Le tirage au sort, c'est au bout de la 42e rue, tout à l'heure. juste avant midi sur France Musique. Alors ce numéro d'ouverture de La La Land fait furieusement penser à l'arrivée des camionneurs. C'était dans Les Demoiselles de Rochefort. Cette fois, il s'agissait de camionneurs tout vêtus de blanc qui arrivaient dans cette ville de Rochefort repeinte aux couleurs pastel, sortaient de leur camion et se mettaient à danser sur la place. On retrouve d'ailleurs dans leurs pas certains pas de la chorégraphie de La La Land. Alors on se rappelle ensemble des Demoiselles de Rochefort. L'arrivée des chauffeurs au début du film et Les Demoiselles de Rochefort, musique Michel Legrand. Damien Chazelle, le réalisateur de La La Land, est un vrai cinéphile et il raconte qu'il a beaucoup découvert de films en passant ses étés à Paris, en allant tout simplement dans les cinémas du Quartier Latin. Jacques Demy, qu'il découvre avec le film Lola, est un choc. Mais le vrai choc pour lui, ce sont les parapluies de Cherbourg. Il l'explique en français au micro de Laure Adler, c'était jeudi soir dans son émission L'Heure Bleue sur France Inter. Le film vraiment qui m'a frappé, j'adore Lola, mais le film qui m'a frappé, qui m'a changé vraiment, c'est les parapluies de Cherbourg, qui m'a amené vers mon premier film et vers La La Land. C'était surtout l'émotion, parce que je savais pas qu'on pouvait exprimer des émotions comme ça à travers la comédie musicale. Pour moi, avant Parapluie de Cherbourg, la comédie musicale était la joie et rien d'autre. On s'amusait. Alors que les Parapluies de Cherbourg, là, je regardais, je connaissais presque rien sur le film avant, je connaissais pas l'histoire, le récit, donc je le regardais pour la première fois. Je regardais une histoire d'amour avec Catherine Deneuve et Castelnuovo, et je disais, ah, c'est beau, ils vont rester ensemble, c'est génial, il y aura des problèmes, et puis ils vont réunir. Alors qu'en fait, ils réunissent pas. Ou oui, ils réunissent, mais d'une autre façon, à la fin. Et je trouvais ça absolument étonnant. C'était comme la première fois que j'ai vu un personnage principal meurtre dans un film quand j'étais petit. Je me disais, oh dis donc, on peut faire ça? C'est fou! Je pensais pas qu'on pouvait faire ça. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que oui, j'avais déjà vu West Side Story avant. C'est pas que je pensais pas qu'on pouvait faire des choses tristes dans les comédies musicales. Mais ce qui est beau avec Les Parapluies de Cherbourg, c'est pas la tristesse, c'est que c'est la vie. C'est la vie quotidienne et c'est la vie où parfois les choses se passent pas comme dans les films. Donc c'est pas la grande tragédie à la West Side Story ou Shakespeare, quoi. C'est quelque chose de beaucoup plus quotidien et je trouve ça très beau dans Les Parapluies de Cherbourg. Ce que fait Jacques Demy, c'est il élève le quotidien au niveau de l'opéra, de la tragédie, de Shakespeare et ça marche. C'est de la poésie pure, je pense. Dancing, yes, I was dancing with angels who come down on a lark. And what's funny, I think I felt a spark when I kissed the boy in the park. Dancing, just romancing and prancing, cherries on the tree. And what's funny, it was just a little breeze. If I'd been standing, it'd have knocked me on my knees. Oh, I like New York in the fall, when Esther sings and dogs in love bark. But it just can't compare to that waltz in the air when I kissed the boy in the park. Sings and dogs in love bark, but it just can't compare to that waltz in the air when then I kissed the boy in the park. Oh, I like a foggy winter's day and city lights riding in the dark. But neither can compete, 'cause my heart skipped a beat when I kissed the boy in the park. The boy in the park. Il y avait des claquettes et de la comédie musicale dès le premier film de Damien Chazelle. Vous n'avez certainement jamais entendu ce morceau, extrait de son tout premier film, Guy et Madeleine sur un banc. C'était Désiré Garcia, Boy in the Park, déjà composé par Justin Hurwitz, qui signe aussi les musiques de La La Land. 42e rue sur France Musique, Laurent Vallière. Et la comédie musicale, film La La Land, qui sort mercredi, réalisé par Damien Chazelle, qui s'est aussi inspiré énormément de Vincente Minnelli. Dans son film, il ne manque ni le ballet dans un décor en carton-pâte façon en américain à Paris, ni un pas de deux entre un homme et une femme qui jurent qu'ils ne s'aiment pas autour d'un lampadaire, comme Fred Astaire et Sid Charis dans Central Park, c'était dans le film Tous en scène. Dans La La Land, ce pas de deux se déroule sur les collines de Los Angeles avec en fond les lumières de la ville. Il ne manque rien, je vous le dis, même pas le numéro de claquette. The sun is nearly gone. The lights are turning on. A silver shine that stretches to the sea. We've stumbled on a view that's tailor-made for two. What a shame those two are, you and me. Some other girl, guy, would love this swirling sky, but there's only you and I, and we've got no shot. This could never be. You're not the type for me, and there's not a spark inside. What a waste of a lovely night. You say there's nothing here. Well, let's make something clear. I think I'll be the one to make that call. What's your call? And though you looked so cute in your polyester suit, it's wool. You're right, I'd never fall for you at all. And maybe this appeals to someone not in heels, or to any girl who feels there's some chance. The romance, but I'm frankly feeling nothing. Is that so? Or it could be less than nothing. Good to know, so you agree. That's right. What a waste of a lovely night. Thank you. Ryan Gosling, Emma Stone, qui chante dans La La Land. Et cette chanson intitulée A Lovely Night, La La Land, musique composée par Justin Horwitz. Et paroles, il faut le noter, de deux Wonder Boys de Broadway. Ils s'appellent Benj Pasek, Justin Paul. Si vous êtes un fidèle de la 42e rue, eh bien, vous vous rappelez d'eux, nous avons eu le plaisir de les rencontrer il y a 2 ans et de leur consacrer une émission. Leur toute nouvelle comédie musicale actuellement à Broadway fait le bonheur des critiques, Dear Evan Hansen. Et donc, cette fois-ci, pour La La Land, ils ont tout simplement, entre guillemets, écrit les paroles des chansons. La La Land, un film que nous vous conseillons et pour lequel nous vous offrons des places. Vous avez encore quelques minutes pour tenter de les gagner en vous dirigeant sur la page de 42e rue sur France Musique et en nous écrivant un petit message, en n'oubliant pas de nous indiquer votre adresse. Mercredi, vous pourrez découvrir au cinéma, figurez-vous, une autre comédie musicale jubilatoire. C'est un dessin animé hilarant réalisé par le studio Illumination, qui est également inventeur des Mignons. Film qui s'intitule « Tous en scène ». Vous avez peut-être vu les affiches. Et comme dans toute bonne comédie musicale, ça se déroule dans un théâtre, sans le sou, dont le propriétaire tente un dernier pari pour remonter la pente, créer un spectacle musical et lancer une audition géante. Alors les personnages sont des animaux au profil délirant, un cochon en costume à paillettes moulant, une éléphante à la voix d'or qui rêve de jouer sur scène. Et la bande-son mêle pop musique à la Stevie Wonder et les Gypsy Kings avec quelques standards de Broadway, comme cette reprise de Let's Face the Music and Dance d'Irving Berlin, interprétée par le comédien à multiples facettes Seth MacFarlane. There may be trouble ahead, but while there's moonlight and music and love and romance, let's face the music and dance. Before the fiddlers have fled, before they ask us to pay the bill, and while we've still got a chance, let's face the music and dance. Soon we'll be without the moon, on a different tune, and then there may be teardrops to shed. So while there's moonlight and love and romance, let's face the music and dance. Let's face that music and dance. Soon we'll be without the moon, humming a different tune, and then there may be teardrops to shed. So while there's moonlight and music and love and romance, let's face the music and dance, dance. Let's face the music, that lovely music. Let's face the music and dance. Un film à découvrir à partir de mercredi au cinéma, Tous en scène, en anglais ça s'appelle Sing. C'était Let's Face the Music and Dance, interprété par Seth MacFarlane. Et dans l'actualité des comédies musicales, beaucoup de choses à vous annoncer cette semaine. Mercredi au Louvre, par exemple, une conférence autour de la danse au cinéma et autour de la comédie musicale. C'est à 19h à l'Auditorium, avec notamment Philippe Decouflet, avant la projection d'Un Américain à Paris. À noter aussi, à Paris toujours, à l'Opéra Bastille, à l'Auditorium précisément, la très belle création du Créa d'Aulnay-sous-Bois, Rose et Rose, ça sera le 27 et le 28 janvier. Une autre création, Chambre 113, composée par Claire-Marie Chichenko, mise en scène par Vincent Vitoz, dont on avait adoré la mise en scène des Parapluies de Cherbourg au Théâtre du Châtelet. Eh bien, cette nouvelle création est à découvrir encore demain et mardi au Théâtre de Ménilmontant à Paris. Enfin, il n'y a pas que Paris dans la ville et dans la vie, direction Bordeaux, avec la reprise de Candide de Léonard Bernstein. C'est une nouvelle production que vous avez peut-être vue à Noël au Capitole, on vous en avait parlé, à Toulouse. Une production qui avait été créée au Glimmer Glass Festival de New York en 2015 et qui s'arrête jusqu'au 26 janvier à l'Opéra National de Bordeaux. Voici un enregistrement de la chanson la plus célèbre, interprétée ici par Ashley Emerson, enregistrée au Capitole à Toulouse, Glitter and Be Gay. Can they compensate for my fallen state? purchased as they were at such an awful cost. Oh, bracelets, lovely ears. Can they dry my tears? Can they blind my eyes to shame? Can the brightest brooch shield me from reproach? Can the purest diamond purify my name? And yet, of course, these trinkets are endearing. I know so that my sapphire is a star. I know like a 20-hour earring. If I'm not pure, at least my jewels are. Enough, enough. I'll take the diamond necklace and show my noble stuff. I begin reckless. Allez adorer, allez apprécier Ashley Emerson dans le rôle de Cunégonde et dans la comédie musicale Candide de Leonard Bernstein. C'est jusqu'à la fin de la semaine à l'Opéra National de Bordeaux. Évidemment sur la page de 42e rue sur francemusique.fr, vous retrouverez bien tout ce qui concerne cette actualité. Vous retrouverez également le podcast, vous retrouverez les vidéos de l'émission et notamment eh bien, les vidéos du concert que nous avons proposé ce matin, la Nuit américaine, dont la prise de son était assurée par Jean-Louis Deloncle, et également les vidéos du concert avec la troupe de Un violon sur le toit. C'était dimanche dernier sur la 42e rue de France Musique. On se quitte avec la musique de La La Land. Bravo, eh bien, vous avez été très nombreux à nous écrire. Bravo aux 5 gagnants à qui nous allons envoyer une invitation pour aller voir ce film. Evelyne Giboudot, Alain Sourafim à Nîmes, Catherine Campi, Philippe Rousseau à La Haye les Roses et puis Anaïde Dossikian à Paris. Promis, on vous envoie ça cette semaine. Vous étiez sur la 42e rue de France Musique proposée par Laurent Vallière. Préparé avec Martine Meunier et Marion Guimet, avec ce matin autour de moi, Sophie Salio-Marie, Cécile Gissot, Benoît Latil, une émission réalisée par Perrine Mingui. On se retrouve dimanche prochain pour rendre hommage à la grande Debbie Reynolds, disparue, vous le savez, durant les fêtes de Noël. Rideau.